ပရဏိယံကကနေ့တရားဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမင်းလားတရားဟောကြားနာကြတဲ့အထက်မှာဒီနေ့အပေါ်ပေါ့ငနေ26ရက်မိမိရဲ့တဏ္ဏမှာတရားအထုလို့ရရှိတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ကိုယ်ရဲ့တကယ်ရှိအဟုတ်ရှိနေတဲ့ယုံနံသဘာဝတွေဒုရောချင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံတွေပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားကုန်မမြဲပုံစတည်တွေကဒါအမှန်ပဲလို့အဲ့ဒီအမှန်တွေကိုသိဖို့ရန်ယုံကြည်မှုကတည်းအရေးကြီးပါတယ ် Today Seattle is going to speak about the topic called Padaniyanga the five Padaniyangas. Aujourd'hui, Sayado va parler d'un argument appelé les cinq Padaniyangas. Dans notre être, il y a l'esprit et la matière qui existent véritablement. Mais ces esprits et matières, qui sont liés en cause-effet, apparaissent et puis disparaissent. Parce que la disparition, après avoir eu une raison, est insatisfaisante, il fait ça selon sa propre nature, sans un soi apparent. Tout ça, ce sont des vrais phénomènes. Et afin de connaître ces phénomènes, la confiance est très importante. Les cinq Padaniyangas sont les cinq qualités dont on a besoin pour arriver à remarquer la vérité qui existe en nous, l'esprit et la matière, et ainsi de suite. Elles sont liées par cause et effet et sont des vraies qualités. La première de ces cinq qualités tout le monde a besoin est la confiance. Le Bouddha a dit « Sado hoti sadati tathagatasa bodhim ». Donc ça signifie la confiance dans l'illumination et dans la connaissance du Bouddha. Pour les bouddhistes, ça n'est pas difficile, on peut l'accepter. Pour les gens qui acceptent le bouddhisme et qui acceptent le Bouddha, ça n'est pas du tout difficile d'accepter son illumination et sa connaissance accomplie. Mais pour les gens qui ont des difficultés à avoir de la foi dans un individu, ces gens-là, ils devraient avoir foi, avoir confiance dans le fait de comprendre que quand on fait quelque chose de bien, quand on fait une bonne action, ça apporte de bons résultats. Quand on fait une mauvaise action, ça apporte de mauvais résultats. Donc, si on a cette compréhension, ça est suffisant pour avoir confiance. La confiance dans le karma est comme avoir la compréhension que, par exemple, quand on mange un fruit qui convient pour nous, on le digère, on y prend de la nourriture, on y prend de la force et de la santé. Et de la même façon, quand on mange un fruit qui n'est pas bien pour nous, ou même un fruit qui est vénéneux, nous ne recevons pas de la nourriture, on souffre et on peut même mourir. Celle-ci est une analogie pour comprendre les bonnes et les mauvaises actions. Les gens font des actions où ils disent des choses, où ils ont des pensées qui sont pures, et il y a aussi des gens qui font des actions impures. Ils ont de la parole impure et ont une activité mentale impure. Et pour la plupart, l'action, la parole et la mentalité des gens sont impures. Donc, si on fait des actions pures, actions, paroles et mentalité, plus elles sont pures, plus elles seront bénéfiques pour nous. Et de la même façon, plus nos actions, nos paroles et notre mentalité sont impures, le pire sera pour nous. Donc, si vous avez confiance dans cette compréhension sur les résultats des bonnes et mauvaises actions, ça est le premier facteur qu'une personne qui pratique pour atteindre le Dhamma devrait avoir. On devrait tous se regarder nous-mêmes et voir si on a confiance dans l'illumination du Bouddha ou si on a confiance dans la compréhension que de bonnes actions portent des bons résultats. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir confiance que ça, c'est vrai? Si on a un de ces deux types de confiance, on devrait regarder pour voir si on a ça ou on n'a aucun de ces deux types de confiance. Car si on n'a pas ça, notre travail ne sera pas efficace. Si on a la compréhension que le bien apporte de bons résultats et le mauvais apporte de mauvais résultats, mais on n'a pas vraiment de la confiance en ça, alors notre travail ne sera pas efficace non plus. Et Sayadaw dit ça pour notre bénéfice. Il ne dit pas ça pour nous forcer à croire en quelque chose. Il dit ça seulement car il pense que ça vous ferait du bien. En général, on devrait avoir une acceptation de ces choses. Si c'est le cas, alors on sera capable de pratiquer avec assez d'efforts afin de réaliser le Dhamma. Mais si on n'a pas la confiance, alors on ne fait pas le travail. Et sans faire du travail, alors on ne gagnera rien. On doit avoir confiance. Le deuxième facteur dont on a besoin pour réaliser le Dhamma est la bonne santé. Aujourd'hui, il n'y a presque personne qui peut se dire en bonne santé. Mais si on est assez en forme pour être capable de digérer la nourriture qu'on mange, si on est assez en forme pour pouvoir dormir, alors ça est suffisant pour la pratique. Les gens avec une mauvaise santé viennent souvent à pratiquer la méditation. Et quand ils pratiquent, ils soignent leur maladie. Ça se passe à travers la pratique, quand il y a le facteur mental de piti, ou la joie, pasadi, la tranquillité, sukha, le bonheur. Ces facteurs mentaux ont des effets sur le corps. Notre sang est purifié. La circulation sanguine devient bonne à travers les facteurs mentaux développés pendant la pratique. À travers la circulation de ce sang purifié à travers le corps, les maladies sont éliminées. Certaines sont déracinées complètement. Si on doit être complètement en bonne santé pour pouvoir pratiquer, alors on ne pourra jamais le faire. Donc, ce qu'on est en train de dire est que c'est mieux, évidemment, si vous êtes en bonne santé, car vous pouvez faire plus d'efforts. Mais si vous pouvez manger et dormir, alors vous pouvez être repris dans la liste des gens en bonne santé. Ceci est le deuxième facteur qui est important à voir pour un yogi pour réaliser le Dhamma. Et Sayadaw espère que vous tous ayez en bonne santé pour pouvoir pratiquer le Dhamma. Le troisième facteur dont le yogi a besoin est la sincérité, l'honnêteté, le fait d'être une personne droite. Ça est très important. Dans le monde, il y a très peu de gens qui sont droits et honnêtes. En simulacre, c'est ce que les gens présentent pour la plupart. Les gens y font semblant dans leurs relations avec les gens, avec les autres, hein. Les gens, très souvent, ont des défauts. Et ces défauts sont méprisables. Mais à la place d'être ouvert et sincère et admettre à soi-même et aux autres qu'on a ces défauts, à la place, les gens cachent leurs défauts. Ils font semblant qu'ils n'ont pas de défauts. Et donc, quand on a un défaut, on doit l'admettre. On ne doit pas chercher à le cacher. En plus, pour la plupart des fois, les gens prétendent avoir des qualités qu'ils n'ont pas. Non pas seulement ils cachent leurs défauts, mais se comportent comme s'ils avaient des qualités qu'ils ne possèdent pas. Ils pensent qu'ils sont sans faute et en plus, pour faire en soi que les gens ont une haute opinion d'eux, ils prétendent avoir des qualités qu'ils n'ont pas. Dans le monde, la plupart des gens sont comme ça. Quand ils méditent, les yogis ne doivent pas avoir ce type de prétention. Ils ne doivent pas cacher leurs défauts, les choses qui font défaut dans leur pratique. Dites à Sayadaw clairement ce qui s'est passé. Vous ne devez pas prétendre d'avoir des qualités que vous n'avez pas. Prétendre dans une de ces deux façons est un problème quand on reporte à l'entretien. Donc, quand vous reportez, vous devez simplement dire comment vous pratiquez de la façon la plus honnête possible. Quand vous avez l'entretien avec Sayadaw, vous devez reporter combien de fois vous pratiquez pendant la journée, la durée de vos assises. Quand vous êtes assise, vous notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Notez-vous le soulèvement et l'abaissement. Êtes-vous conscient de ça ou pas? Si vous pouvez l'observer, alors vous devez reporter ce que vous expérimentez. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous observez? Si vous n'arrivez pas à l'observer, alors dites ce qui se passe. Vous présentez simplement ce qui se passe pendant votre assise. Pendant la méditation en marche, concentrez-vous sur la jambe, le mouvement de la jambe et le lever, avancer et placer. Êtes-vous capable d'observer le lever, l'avancement et le placement du pied ou pas? Si vous êtes capable d'observer ces mouvements, si vous pouvez observer le lever, alors dites-le, je l'ai observé, je l'ai expérimenté. Qu'est-ce que j'ai trouvé au moment de l'observation du lèvement, avancement et placement de la jambe? Donc, vous voyez la jambe, est-ce que vous voyez sa forme ou voyez-vous la façon dont elle se lève ou avance ou se place? Ou arrivez-vous à observer certaines qualités qui existent en ces moments-là dans le corps? Vous devez dire ce que vous avez réussi à observer pendant la méditation en marche et ne pas reporter des choses que vous n'avez pas observées. Il est très important d'avoir la qualité de la sincérité. Quand un yogi est honnête et va chez l'enseignant et dit franchement comment il pratique et ce qu'il expérimente, alors l'enseignant est très satisfait, car il sait que le yogi est en train d'essayer, qu'il donne valeur à la pratique. Mais si ce n'est pas le cas et le yogi arrive et il dit les mêmes choses chaque jour, alors l'enseignant sait que le yogi n'est pas quelqu'un qui fait des efforts ou qui donne valeur à la pratique. La quatrième qualité nécessaire pour réaliser le dhamma est l'effort continu. Le yogi doit pratiquer respectueusement, avec un soin méticuleux et pratiquer sans cesse, sans pause. Pendant l'assise, le yogi cherche à noter chaque objet qui apparaît, en commençant par le soulèvement et abaissement de l'abdomen, sans arrêt. Il cherche à observer ce qui devient apparent en partant de l'objet principal. Quand on essaie d'observer ce qui se passe dans notre corps, les phénomènes qui apparaissent dans notre corps, on fait l'effort d'observer en commençant par le soulèvement et abaissement. Et cet effort d'observation porte avec lui l'attention sati. Et en continuant de chercher à observer, c'est la concentration qui suit, samadhi. Il n'y a pas besoin de créer de l'attention, de créer sati. Elle a lieu simplement en cherchant d'observer chaque chose. Selon l'effort qu'on fait, sati reste collé à l'objet et l'esprit ne vagabonde pas ailleurs. Donc, on doit continuer à essayer. On doit essayer de faire des efforts sans cesse pour que tout ça puisse se passer. Aussi, dans la méditation en marche, vous vous concentrez sur le mouvement des jambes. Vous essayez d'observer chaque lever, chaque avancée et chaque placée et les autres actions qu'on fait pendant la journée. Donc, il y a trois parties dans la journée de notre méditant. La méditation assise, donc quand on est assis, on cherche à observer les mouvements de soulèvement et les mouvements d'abaissement et d'autres objets qui se passent au moment de leur apparition sans en manquer un. Il y a la méditation en marche. Donc, on cherche à observer le mouvement des jambes, chaque mouvement d'élevé, chaque mouvement d'avancé et chaque mouvement de placé, sans en manquer un. Et donc, puis, il y a les actions, les activités quotidiennes et on cherche à prester aussi attention à celles-ci. Si on cherche à être attentif comme ça, chercher à ne pas rater des objets dans chacun de ces trois domaines. De cette façon, le yogi pourra progresser. Notre effort, virya, est très important. Sauf quand on est endormi, on devrait être attentif. Marcher, être debout, s'asseoir, s'allonger. Ça sont les quatre grandes postures. Du coup, marcher, debout, s'asseoir, s'allonger. En plus de ça, il y a des actions qui sont plus petites et qu'on fait, par exemple, se plier, s'étirer, étirer un bras, une jambe, ouvrir et fermer les yeux, etc. Même sur ces petits détails, on devrait essayer d'être attentif à toutes les choses qui se passent. On fait ça le mieux qu'on peut et sans les manquer, sans les rater. Pendant la méditation assise, concentrer l'esprit pour observer chaque mouvement des soulèvements et chaque mouvement d'abaissement en appliquant l'effort mental et la qualité des pointages de l'objet. On doit avoir confiance dans le fait qu'en faisant ça, l'esprit est pur. On devrait vouloir cette pureté de l'esprit. On doit être prêt à observer chaque mouvement des soulèvements et chaque mouvement d'abaissement. Si on n'a pas cette confiance dans le travail qu'on fait et la volonté de continuer à essayer d'observer, alors les résultats qu'on peut obtenir de la pratique, ils ne seront pas là. Sans confiance dans le travail qu'on fait dans la pratique, et sans la volonté d'appliquer la pratique, alors les résultats ne surgiront pas. On doit avoir cette compréhension que pratiquer Satipatthana est un travail pur et on doit avoir confiance dans le fait que cette pratique apporte de la pureté. On doit avoir confiance et volonté d'y pratiquer pour qu'on puisse avoir des résultats. Les gens qui sont venus ici ont quitté leur maison, leur travail, leur famille, ont laissé aussi les plaisirs sensuels qu'on aime beaucoup pour pouvoir être ici. Et certains gens qui sont ici, ont la confiance dans le fait de pouvoir obtenir quelque chose de mieux de ces plaisirs mondains, et tout ça à travers la pratique. Certains gens cherchent à essayer de voir s'ils arrivent à obtenir quelque chose de mieux. Mais quel que soit votre cas, votre effort dans la pratique est essentiel. Il y a des types différents de confiance. Jusqu'à ce que nous réalisons l'illumination, pendant qu'on pratique et on fait des efforts pour appliquer la pratique, la connaissance, la colère et l'ignorance, raga, dosa et moha, ceux-ci sont purifiés. On peut dire aussi que les obstacles à la concentration ont été distancés. La confiance qu'il y a en ces moments, c'est qu'on appelle confiance lumineuse, ou la confiance claire, on peut l'appeler comme ça aussi. Quand on écoute le Dhamma et on sent que ce Dhamma est bien, ça est le type de confiance claire. Notre esprit devient clair en écoutant le Dhamma. Et aussi, on gagne ce type de confiance claire quand on pratique. Quand la sagesse surgit, on a un type de confiance qui apparaît. On fait confiance au Dhamma pendant que notre connaissance se développe. Ça est un autre niveau de confiance. Quand on pratique et on arrive à voir qu'il y a l'esprit et la matière, et on arrive à voir comment ils sont liés en cause et effet, on arrive à être libéré du fait qu'il y a un soi, car on voit les composantes de l'esprit et de la matière à travers la pratique. Et en continuant à pratiquer, on voit comment ils apparaissent et ils disparaissent. On voit que l'esprit et la matière sont liés en cause et effet, et on voit qu'ils apparaissent et disparaissent. C'est alors que notre connaissance a vraiment commencé à surgir. Et quand les notes mentales qu'on fait se connectent entre eux, quand notre habileté à observer les objets devient continue, alors on va gagner un bonheur qu'on ne veut pas lâcher. Le bonheur qui arrive avec les facteurs mentaux comme piti, la joie, pasadi, la tranquillité, sukha, le bonheur. Ceci est le bonheur qui vient du développement de la connaissance de la pratique. Quand le yogi arrive à voir l'apparition et la disparition rapide des phénomènes mentaux et physiques qui sont liés en tant que cause et effet, ils expérimentent un bonheur plus grand du bonheur qui peut être expérimenté à travers les sens. Quand les yogis expérimentent ce type de plaisir, ils ne veulent pas reculer. Ils veulent seulement continuer à pratiquer en utilisant encore plus de temps de ce qu'ils avaient prévu. Ils ne vont pas lâcher leur pratique jusqu'à quand ils auront obtenu un type de bonheur garanti et durable. Quand le yogi arrive à voir l'apparition et la disparition rapide des phénomènes, leur esprit et leur connaissance ont progressé assez bien. Et en ces moments-là, ils peuvent expérimenter un bonheur qu'ils ne voudraient plus quitter. Si ça est le cas, vous devez simplement continuer à pratiquer. Car une personne qui est dans cette situation est quelqu'un qui peut obtenir l'illumination dans cette vie même. Les cinq causes dont les gens ont besoin du coup pour réaliser le Dhamma dans cette vie sont la confiance, la santé, la sincérité et l'honnêteté et l'effort de pratiquer. Avec ces qualités et l'effort dans la pratique, vous réussirez sûrement à développer la connaissance en commençant avec le discernement de l'esprit et de la matière. Nama et Rupa. Et pendant que la connaissance se développe, personne ne doit vous dire de croire en quelque chose. La pratique vous porte à croire dans la pratique même et aussi dans l'enseignant. Pour les yogis, la chose principale est faire l'effort d'appliquer la pratique. Car si vous le faites, la connaissance vipassana se développera sûrement, étape par étape. Et en développant la connaissance vipassana, vous arrivez à gagner des bienfaits que vous apporterez avec vous à travers cette vie et à travers le samsara. Sayado vous exhorte chacun d'entre vous de chercher à obtenir ce type de bonheur. Et en cherchant d'obtenir ce bonheur à travers notre confiance dans l'effort, puissiez-vous être capable de faire l'effort dans la pratique qui vous portera au développement de la connaissance, afin que dans une brève période de temps, vous serez capable de développer la connaissance et d'atteindre le but le plus haut. Sadhu, sadhu, sadhu. Daja. 여기래요. 네가 알아. 우리야 대야. 조사 우리야가 우리야 우리야 대야. 아강강네 조사 아토부가 네가 봐봐. 조사 아토비 소인 요디디 아토비 소인 부바드란 년이래 신의 야올라마베. 야올라인 왜 용지무리래 보 아강도마베. 알로 소미 소인 여기야. တဘောစာအတွက်အမဂံကျက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးတရားမျိုးအဲတန္တရာတစ်ခုလုံးအတွက်အမဂံကျက်ရှိတဲ့တရားမျိုးတွေကိုယ်စီမှာခြေမျိုးရနာရလာနိုင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ရရှိနိုင်အောင်ကိုယ်စီစူးစမ်းအထုနိုင်ကြပါစေပေါ့စူးစမ်းအထုနိုင်ခြင်းဖြင့်ဒီရတူတို့တော်တော်မှာရနိုင်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ကျူစာအထုတ်ပြီဆိုရင်ရနိုင်ပါလေရနိုင်အောင်ကျူစာအထုတ်ပြီနော်တရားသူတွေလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ သာဓုသာဓုသာဓု